Catherine Saint-Gelais, la sœur de Marianne Saint-Gelais, va très très bien cette année en CrossFit. On sait qu'elle compétitionne depuis environ quelques années dans cette discipline. Et question de savoir un peu ce qu'elle est rendue. On lui parle. Salut Catherine! Bonjour! Catherine, ça va super bien, semble-t-il. D'abord, comment ça s'est passé ton année en année de COVID, où c'est difficile de s'entraîner, c'est difficile pour tous les athlètes d'avoir un entraînement stable. Comment ça s'est passé ton année? Oui, ben c'est sûr que j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est propriétaire d'un centre d'entraînement fonctionnel, là. Donc, même quand les portes étaient barrées, là, nous, on a pu avoir accès au gym, là, toutes les deux, là, avec le gym privé, en fait, là, pendant cette période-là. Fait que c'est sûr qu'on a eu ce privilège-là. En fait, là, moi, dans les 2 dernières années, je te dirais que je me concentrais plus sur l'haltérophilie, là, qui fait aussi partie du CrossFit, là, mais quand même, je faisais plus de compétitions, là. Je me suis classée pour quelques compétitions dans les dernières années, fait que j'avais mis plus d'énergie là-dedans. OK. Là, avec le tableau des compétitions au niveau de l'haltérophilie, là, canadien a comme été mis sur pause, là, pas beaucoup d'événements, en fait, pas d'événements pantoute, là, fait que pas bien ben d'objectifs côté haltérophilie dans la dernière année, fait qu'on a mis plus de temps là, dans l'entraînement fonctionnel, puis écoute, ça a payé pour cette année-là, OK. on n'a pas lâché, puis ça a paru. Ben, effectivement. Là, t'es rendu, ce que je me disais, avant de rentrer en onde, t'es rendu en demi-finale en Amérique du Nord, c'est ça? Ouais, c'est juste qu'avec le CrossFit, ça a un petit peu changé dans les dernières années. Là, ils ont revu un peu le fonctionnement, les divisions, comment on sépare un peu les pays, etc. Fait que cette année, c'est pour ça que c'est un petit peu mêlant, mais c'est de façon, grosso modo, c'est divisé en 4 sections, là. Fait qu'on a les Open comme habituellement, qui est une compétition en ligne, 3 workouts sur 3 semaines. Ensuite, si on finissait dans le 10% au niveau de l'Amérique du Nord, donc ça représente là, pour nous, en fait, à l'étape numéro 1, on était environ 60 000 filles. Fait que 10% de ça, ils prenaient le top 6 000 pour accéder au quart de finale, qui était encore une fois le 4 workouts qu'on devait faire en 4 jours à peu près. Puis suivant cette étape-là, là, ils prenaient le top 120 de ces 6 000 athlètes-là qui avaient passé. Puis là, ben c'est là que j'ai terminé 71e. Donc là, moi, j'accède à la troisième étape qui, oui, c'est les semi-finales, les demi-finales. Comment ça se passe? Donc, j'imagine que en tant que COVID, il n'y a pas de compétition comme telle, vous n'êtes pas regroupé. J'imagine que vous faites votre compétition, vous envoyez votre résultat par la suite. C'est même c'est comptabilisé? Ouais, c'est ça. Les workouts qu'on appelle là, sont partagés là, directement sur la plateforme CrossFit en ligne. Nous, on a accès à ça. Puis là, ça entame un gros processus de vidéo, de règlement, etc. Là, fait que grosso modo, on a des mesures, des poids à filmer, écoute, là, tu mets ta barre à telle place, 5 pieds plus loin, tu mets ton appareil, 5 pieds plus loin, tu mets ci, tu mets ça, t'as un juge qui s'occupe de compter tes répétitions, puis de s'assurer que tu rencontres le standard là, du mouvement demandé. Tout ça sous l'œil de la caméra, qui va être soumis à un juge là, en ligne, là, engagé par CrossFit, qui lui va compter l'ensemble de tes répétitions, visionner ton vidéo complet, puis te donner une pénalité, si pénalité il y a, là. Fait que c'est un gros processus. Je vous dirais que la sévérité de tout ça a changé. Ça fait quand même plusieurs années que je suis dans le domaine, puis on trouvait un peu des fois que ça faisait pitié sur le jugement, là. Des fois, on envoyait nos vidéos, puis il y avait des choses qui passaient, là. Je vous dirais que cette année, en tout cas, j'ai l'impression que c'est plus sévère. On a eu beaucoup de rétroactions de la part de nos juges, là, par courriel. C'est, ah, t'as oublié ça, t'as fait ci, t'as fait ça. Fait que beaucoup de pénalités quand même qui ont été attribuées à des athlètes, là. Donc, c'est une bonne chose, ça ajoute de la crédibilité au sport, je pense, à long terme aussi. Mais cette année, c'est ça. Tout était en ligne, on se filmait, on upload ça sur YouTube, finalement, on envoie nos vidéos, puis quelqu'un est engagé par CrossFit qui juge tout ça, là. Est-ce que c'est quand même très lourd comme processus, j'imagine? Ah, c'est très lourd. On était épuisés lundi. En fait, là, Ah ouais, la semaine dernière, c'était 5 workouts en 4 jours qu'il fallait faire, là. Puis, OK. tu sais, stratégie, puis tu sais, c'est un one-shot deal, comme on dit. C'est 3, 2, 1, fais le workout, puis trompe-toi pas dans ta stratégie parce que t'en as 4 autres à faire, fait que t'auras pas d'énergie pour le reprendre, là. T'sais, si je fais une erreur, malheureusement, j'aurai pas le temps, premièrement, puis j'aurai pas l'énergie pour essayer de refaire une autre tentative pour m'améliorer. Fait qu'à chaque fois, c'est fais la meilleure stratégie du premier coup, donne ton 100%, puis espère que c'est suffisant parce que au bout de la ligne, t'auras pas d'autre chance, t'sais. OK. Est-ce que ça le fait que t'as quand même, ben c'est sûr qu'ailleurs, en Amérique du Nord, il y a des places que c'est que c'est complètement déconfiné, qui vivent comme avant, là. Donc, je partais pour te demander comme question, est-ce que ça peut t'avantager le fait que tu as un bon entraînement comparativement à d'autres, mais sauf qu'ailleurs, ailleurs, c'est déconfiné. Mais comment tu vois la suite? Est-ce que là, tu es rendu en demi-finale? Est-ce que c'est possible pour toi de se rendre en finale? Ben, la ligne est mince, je te dirais, là. T'sais, pour être, je suis quand même quelqu'un de réaliste dans la vie, je te dirais que il n'y a rien d'impossible, mais il va falloir que ça soit bon en tabarouette pour moi, les épreuves qui vont sortir pour que j'accède à la prochaine étape, là, t'sais. De toute façon, moi, mon objectif, c'est déjà d'accéder aux semi-finales, là, c'est toute une croûte à manger pour moi, honnêtement, là, t'sais. J'étais au courant du calibre dans le sport, puis c'est déjà bien, là. Il est sorti des bons workouts pour moi, quand même, là, dans l'étape des quarts de finale, fait que. J'ai fait mes preuves, j'ai été bonne dans l'ensemble des épreuves. On s'entend, c'est 5 épreuves. Il faut quand même que tu sois bon partout pour passer, là. Mais, je suis consciente qu'il va falloir que ça soit très, très bien pour moi pour accéder à l'étape suivante. Puis, tu sais, l'autre chose qu'il faut prendre en considération, c'est qu'on a beaucoup de bonnes Canadiennes, là, tu sais. Puis, à cause du contexte, là, la prochaine étape, en fait, il y a 4 compétitions, là. Fait que le top 120 est divisé en quatre compétitions différentes, donc 30 filles par compétition. Il y en a 3 qui ont lieu aux États-Unis, une qui a lieu à Montréal en ligne. Puis, on ne sait pas dans laquelle on va être attribué. Nous, on a rempli un formulaire pour nos préférences, mais on ne sait pas encore quelle compétition va nous être attribuée. Fait que c'est sûr que je pense que l'ensemble des Canadiennes au classement là, vont choisir Montréal comme moi. Donc, ça va faire un beau rendez-vous canadien haut en calibre. T'sais, moi, je suis la 12e Canadienne à avoir passé, fait que, ou la 13e. Là, fait que je sais qu'il y a déjà 11, 12 filles qui ont mieux fait que moi au Canada. Fait que c'est sûr que je vais être contre une belle brochette de Canadiennes bien performantes qui sont dans le milieu depuis longtemps aussi, là. OK. Donc, évidemment, c'est quand la finale? La Ben, demi-finale? la demi-finale, ça va dépendre, comme je vous dis, de quelle compétition je vais avoir attribuée. Si c'est elle de Montréal, là, ça va se tenir là, la deuxième ou la troisième semaine de juin, je crois, mais si jamais j'ai pas ce choix-là, ça se peut que la date change, là. J'ai pas de nouvelles encore. Bon, on va suivre ça de près, Catherine, puis déjà d'être en demi-finale et d'avoir obtenu ton exploit, et ton objectif, c'est déjà un très très bon signe, puis c'est bravo, hein. Oui, merci beaucoup. On espère. Je dis toujours on parce que je parle de mon entraîneur qui est mon chum, qui fait pas mal. Qui a le dos large là-dedans aussi. Là, il Ouais. s'occupe de faire des affaires. Fait que je dis on parce que c'est important de le mentionner. Là. Ben, Catherine, un gros gros merci, au plaisir de se parler. Ça m'a fait plaisir. Catherine Saint-Gelais de Saint-Félicien qui est rendue en demi-finale du CrossFit d'Amérique du Nord.